Notre introduction une fois rédigée, nous allons pouvoir passer au développement de notre dissertation. Première partie, l'artiste, pour réaliser ses œuvres, doit maîtriser un savoir-faire spécifique. Nous allons mobiliser un premier argument, l'idée que l'art est une activité productrice qui nécessite la mobilisation de la technique pour atteindre son but. Cette idée de définir l'art comme activité productrice, on la trouve notamment chez Aristote, qui place les activités que nous qualifions aujourd'hui d'artistique dans la catégorie de ce qu'il appelle la poiésis, hein, c'est-à-dire la production. La production, qu'est-ce que c'est? Ce sont toute activité qui trouve sa finalité dans la réalisation d'un objet, hein, par opposition à des activités purement pratiques, hein, qui trouveraient leur fin en elles-mêmes, dans le seul fait de faire indépendamment d'un objet. Or, la réussite de la production, hein, la réalisation d'un objet, cela suppose l'application de règles de production et la possession d'une habileté spécifique, voilà, au même titre que des activités qu'on va qualifier d'artisanales comme la menuiserie ou encore voilà, une activité un peu mixte entre art et artisanat, hein, ce que serait l'architecture. Voilà. Donc ça nous renvoie un petit peu à ce que nous avions annoncé en introduction, en rappelant l'étymologie du terme art et la genèse de cette notion. Historiquement, art et technique ont longtemps été confondus. Hein, l'artiste et l'artisan n'étaient pas vraiment distingués. C'était dans tous les cas, ça renvoyait à des personnes qui produisent quelque chose, et pour produire quelque chose, il faut utiliser un certain nombre d'outils, il faut appliquer un certain nombre de règles, sinon notre objet ne tiendra pas, ne sera pas correctement réalisé. On peut mobiliser une autre référence ici, qui est Hegel. Hein, donc chez lui, on va avoir l'idée un petit peu que chez l'artiste, comme chez l'artisan, on va retrouver un petit peu le même processus de production. L'idée, c'est que la création d'un objet, ça va constituer un processus d'extériorisation de la conscience. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Bon, eh bien, c'est l'idée que le créateur, il va concevoir intérieurement, hein, dans son esprit, un projet, et il va concrétiser ce projet par la fabrication. Et à travers cela, bah, que ce soit l'artiste ou l'artisan, il va chercher à manifester son esprit au travers de ses œuvres, dans lesquels il va pouvoir se reconnaître, hein, retrouver sa propre image, retrouver ce qu'il avait conçu intérieurement. Mais pour que, si vous voulez, pour que la matière à partir de laquelle ce créateur travaille corresponde au projet qu'il a conçu, il va avoir besoin de mobiliser des techniques. Le créateur, il va s'approprier une certaine matière naturelle, voilà, que ce soit de la terre glaise, des pigments ou même des sons d'une certaine façon. C'est aussi une matière sur laquelle on travaille et sur laquelle il projette l'idée qu'il s'est faite dans son esprit, mais il va utiliser un certain savoir-faire pour transformer cette matière, pour lui imposer une nouvelle forme, de façon à produire une œuvre qui corresponde à son projet. Et donc c'est par la technique et le travail que l'artiste peut en quelque sorte vaincre la résistance de la matière. Voilà, au départ, si je prends mon bloc de glaise, elle ne se conforme pas exactement à ce que je veux, j'ai besoin de la travailler. On peut prendre un exemple, voilà, prenons une statue, la Pietà de Michel-Ange, donc c'est une sculpture qui représente Marie pleurant Jésus qui vient d'être descendu de la croix. Donc, si on regarde cette statue, on constate qu'elle manifeste une grande maîtrise technique. Hein, bon, c'est un très bel objet, mais c'est aussi un objet qui a nécessité une grande maîtrise technique. Au départ, on avait un bloc de marbre, mais il a fallu que Michel-Ange l'élabore, le travaille, pour parvenir à réaliser cette œuvre d'art. Alors, dans le cadre de cette première partie, on peut mobiliser encore un deuxième argument. C'est l'idée que l'art, bon, c'est pas simplement un divertissement. L'art, c'est aussi un métier, c'est une activité laborieuse aussi d'une certaine façon, et donc qui nécessite un apprentissage et qui se traduit par un effort. Hein. On dit, c'est, voilà, l'art, c'est aussi un travail. Alors, première référence qu'on pourrait utiliser pour développer cette idée, c'est un petit peu en ce sens que Friedrich Nietzsche critique la notion de génie artistique. Alors, souvent, quand on parle d'art, de création artistique, on va mobiliser un petit peu cette notion de génie. On peut dire, voilà, on peut pas comprendre l'artiste, voilà, c'est un génie. Bon, l'explication s'arrête là. Et Nietzsche ne trouve pas ça très satisfaisant, cette explication. Bon, lui, souligne que la création artistique, ça fait appel tout autant à l'apprentissage, à l'application de règles, à du travail, à de la concentration, que n'importe quelle activité. Et souvent, on invoque cette notion de génie de l'artiste pour occulter ce travail, pour mettre un petit peu l'artiste sur un piédestal, alors qu'en fait, bah, c'est aussi une activité concrète. Bon, un petit peu dans cette même veine, vous avez le philosophe Alain nous dit que la réalisation d'œuvres d'art, c'est un travail qui nécessite rigueur et un effort, et l'artiste, en bien des points, bah, il ne se distingue pas vraiment de l'artisan. L'artiste, il doit maîtriser des règles d'art, il doit organiser son quotidien, comme n'importe quel travailleur, et il doit aussi organiser la production artistique, un petit peu comme un maître d'œuvre. Hein. Voilà, on peut penser des artistes qui ont créé des œuvres un peu monumentales, comme Raphaël ou Wagner. Bon, ben, c'était certes des génies créateurs, mais c'était aussi des organisateurs qui étaient capables de coordonner l'action de nombreux artistes, hein, de nombreux compagnons, de nombreux. Bon, prenons Wagner, voilà, on montait un opéra et on a les chanteurs, les musiciens, et il faut coordonner leur action pour produire une œuvre collective. On peut prendre des exemples, hein, les peintures de la chapelle de Scovigni à Padoue réalisées par Giotto, ou celle de la chapelle Sixtine à Rome par Raphaël. Bon, ben là, évidemment, l'artiste, certes, il a mobilisé un talent créatif, mais aussi un talent organisationnel pour faire travailler d'autres artistes et réaliser l'œuvre. À partir de ça, une fois qu'on a dit tout ça, on peut néanmoins se rendre compte que bon, tout ça n'est pas uniquement une question technique. C'est à partir de là qu'on peut passer à notre deuxième partie, hein, cette idée que l'art, bon, ça fait tout de même appel à des qualités qui dépassent le seul savoir-faire technique. Bon, premier point, c'est l'idée que l'artiste, c'est pas juste quelqu'un qui se contente de reproduire à l'identique les mêmes objets. C'est pas quelqu'un qui se résigne à appliquer strictement des méthodes qu'il a apprises. L'artiste, c'est quand même, souvent, c'est aussi une manière de penser ce que c'est qu'un artiste, c'est quelqu'un qui va inventer ses propres règles, qui va créer, et en cela, il va manifester des dons qui lui sont propres. Alors, quelqu'un qui défend ça en particulier, c'est Kant. Hein. Pour Kant, la spécificité de la création artistique, c'est qu'elle fait appel à l'originalité. Hein. L'art, qu'est-ce que c'est? Ben, pour Kant, c'est une création libre. Par opposition au travail. Le travail, c'est une activité qui est contrainte. Le travailleur, il peut pas créer librement ce dont il a envie. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, il doit avant tout satisfaire les besoins de ses clients. Hein, parce que son objectif, c'est de satisfaire ses besoins. Et donc, il a pour cela, il doit nécessairement se plier aux attentes des clients. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. L'artiste, au contraire, lui, il peut créer ce qu'il veut, selon les règles qu'il se donne à lui-même. Pour Kant, évidemment, l'art, ça ne se fait pas sans règles, mais le propre du génie artistique, c'est justement sa capacité d'inventer ses propres règles. Voilà, c'est oui, il a des règles, mais les règles que lui-même s'est données, d'une certaine façon. Non pas qu'ils lui ont pas été imposées de l'extérieur par des clients, par une attente. Bon. On peut penser voilà, à la façon dont les différents courants, notamment dans la peinture moderne, ont réinventé les règles de l'art. Voilà, prenons l'exemple l'impressionnisme, qui renonce à utiliser la ligne, l'art abstrait, qui renonce à la figuration. Bon, bah, on a comme ça des artistes, que ce soit Monet, Kandinsky, les artistes disent, bon, bah, moi je réinvente les règles de mon art. Alors, évidemment, on pourrait répondre que c'est peut-être une conception un petit peu idéalisée de l'art. Évidemment, il y a toujours eu des mécènes, hein, c'est-à-dire des gens qui finançaient les artistes. Donc, bah, les artistes, ils étaient obligés un petit peu de se plier aux attentes, que ce soit des aristocrates, de l'Église ou plus tard de la bourgeoisie, voilà, qui étaient là pour financer leurs œuvres. Donc, bon, dire que c'était une création complètement libre, c'est peut-être un petit peu exagéré. Mais voilà, bon, Kant insiste quand même sur cette idée d'originalité, d'inventivité dans les règles de l'art. Alors, pour prendre une référence beaucoup plus récente, hein, on pourrait s'appuyer sur Arthur Danto, hein, qui est un philosophe américain contemporain. Et pour lui, la création artistique, notamment dans le domaine de l'art contemporain, elle ne repose pas sur la maîtrise technique, mais sur la capacité de l'artiste à justifier son œuvre par une théorie de l'art, c'est-à-dire par un discours qui va expliciter le sens de son œuvre et la replacer dans l'histoire de l'art. Donc lui, vraiment, il se détache complètement de la technique, et l'originalité de l'œuvre, ça passe par le discours. L'exemple qu'il prend, c'est l'œuvre d'Andy Warhol, les boîtes Brillo. Alors, les boîtes Brillo, qu'est-ce que c'est? Enfin, c'était des boîtes de lessive que Warhol a exposées dans un musée. Donc, évidemment, ça ne repose pas sur une maîtrise technique particulière. Warhol, il est allé au supermarché, il a acheté des boîtes de lessive. Mais ce qui a fait le caractère artistique de l'objet, c'est le discours qu'il a replacé l'œuvre dans le mouvement pop art, dans ce mouvement d'art des années 60-70, qui s'emparait des objets de la société de consommation pour porter un regard critique d'une certaine façon sur cette société. Et donc, voilà, le propre de l'art, c'est pas tant la technique ici, c'est vraiment le discours de l'artiste, le discours qui s'inscrit aussi dans une histoire, dans un contexte social. C'est là que va résider la création artistique. Alors, deuxième ligne argumentative, ce serait aussi de voir un petit peu cette idée, alors, peut-être aussi un petit peu idéalisée, mais bon, cette idée quand même que l'artiste, c'est quand même quelqu'un qui est inspiré ou habité par une forme d'instinct créateur, voilà, un instinct qui ferait défaut à l'artisan ou l'ingénieur. Voilà. Bon, ça, c'est une idée qu'on retrouve, qui est très ancienne, on la retrouve par exemple chez Platon. Hein, lui, la création artistique, c'est pas d'abord une question de technique, c'est une question en quelque sorte d'inspiration divine. Il souligne ça dans un dialogue qui s'appelle Ion. Voilà, et pour lui, voilà, l'artiste, il est habité par un instinct créateur qu'il ne contrôle pas, il n'est pas maître de lui-même et de sa création. Il va utiliser cette formule, l'idée que l'artiste, c'est un petit peu la marionnette des dieux. D'ailleurs, pour cela, en fait, que Platon, ça fait partie des raisons pour lesquelles Platon considère que les artistes sont des gens dont il faut se méfier, parce que ce n'est pas des gens qui sont maîtres d'eux-mêmes, ne créent pas de façon raisonnée. Alors, plus récemment, vous avez quelqu'un d'autre qui utilise un petit peu cette idée, alors sans parler des dieux, mais plutôt il va s'appuyer plutôt sur les désirs, l'inconscient, hein, c'est Freud. Pour Freud, la création artistique, elle est motivée par ce qu'il appelle la sublimation des passions, des pulsions. Ce qu'il veut dire par là, il veut dire que la création artistique, elle va permettre à l'artiste de satisfaire d'une façon détournée une pulsion refoulée, c'est-à-dire une pulsion qu'on n'a pas pu exprimer, satisfaire de façon directe, parce que voilà, elle était incompatible avec la vie sociale, avec notre éducation. Et donc l'artiste, il a pu apaiser sa frustration, ne pas avoir satisfait sa pulsion, par la création d'œuvres. Donc c'est cette idée que bon, l'artiste, voilà, c'est quelqu'un qui est inspiré, qui est poussé par un instinct. Et donc, d'une certaine façon, ça fait défaut aux figures du technicien. Bon, on pourrait dire aussi, ça c'est peut-être une critique qu'on pourrait répondre à ça, c'est que cet instinct créateur, on le retrouve aussi dans des domaines techniques, hein. Il y a de nombreux témoignages. Voilà, d'inventeurs, de techniciens qui ont pu faire appel, voilà, aussi à une forme d'instinct créateur. Par exemple, pour une référence, on pourrait penser le film, enfin le film d'animation de Miyazaki, Le Vent se lève, hein, qui raconte l'histoire d'un ingénieur japonais au début du XXe siècle qui a construit des avions. Bon, ce film qui porte un peu sur la création technique, ben, souligne quand même l'idée que l'ingénieur, c'est aussi quelqu'un qui est animé par une forme d'instinct créateur. Donc, peut-être que ça nous permettrait aussi de relativiser un peu cette vision de l'artiste comme le génie inspiré voilà, par un instinct un peu mystérieux.